Deuxième partie de l'enregistrement. Vous êtes actuellement en contact avec l'équipe technique de Valtel. Un agent va répondre à votre appel. Pour des raisons de sécurité, veuillez lui indiquer votre numéro de téléphone, votre numéro de contrat et votre numéro de compte bancaire. Merci de patienter quelques instants.